Second chapitre. Peter Pan. Si vous demandez à votre mère si elle connaissait Peter Pan quand elle était une petite fille, elle vous répondra « Mais oui, naturellement, je le connaissais ». Et si vous lui demandez s'il chevauchait monté sur une chèvre à cette époque, elle vous dira « Mais certainement, quelle folle question !» Si vous demandez alors à votre grand-mère si elle connaissait Peter Pan quand elle était une petite fille, elle vous répondra à son tour « Mais naturellement, mon enfant !» Mais si vous lui demandez s'il se promenait sur une chèvre, elle vous répondra qu'elle n'a jamais entendu dire qu'il eût une chèvre. Peut-être l'a-t-elle oubliée, comme il lui arrive parfois d'oublier votre nom et de vous appeler Mildred, ce qui est le nom de votre mère. Encore est-il presque impossible qu'elle ait pu oublier une chose aussi importante que la chèvre. Ainsi, il n'y avait pas de chèvre quand votre grand-mère était une petite fille. Cela prouve que, lorsqu'on raconte l'histoire de Peter Pan, commencer par la chèvre, comme beaucoup le font, est aussi sot que de mettre son pardessus avant sa veste. Naturellement, cela prouve aussi que Peter a un certain âge, mais comme en réalité il a toujours le même âge, cela n'a aucune espèce d'importance. Son âge est une semaine, et quoiqu'il soit né depuis bien longtemps, il n'a jamais eu d'anniversaire, et il n'a pas la moindre chance d'en avoir jamais. La raison de cette anomalie, c'est qu'à l'âge de 7 ans, il a abandonné la condition d'homme. Il s'est échappé par la fenêtre et s'est sauvé dans les jardins de Kensington. Si vous croyez que c'est le seul enfant qui ait jamais voulu s'échapper, c'est preuve que vous avez complètement oublié votre propre enfance. Quand David a entendu cette histoire pour la première fois, il était absolument certain de n'avoir jamais essayé de s'échapper. Mais je lui ai dit de faire un effort de mémoire en prenant ses tempes à deux mains, et quand il eut fait ce que je lui demandais, il finit par se souvenir nettement d'un désir qu'il avait eu quand il était petit de se percher sur les arbres et avec ce souvenir d'autres revinrent. Ainsi, il était resté couché dans son lit, projetant de s'échapper dès que sa mère serait endormie, et sa mère l'avait rattrapé à mi-chemin de la cheminée. Tous les enfants pourraient avoir de tels souvenirs s'ils voulaient prendre leur tempe entre leurs mains, car ayant été oiseaux avant d'être hommes, ils sont naturellement un peu sauvages pendant les premières semaines et ils ont des démangeaisons aux épaules, à la place où étaient les ailes. C'est du moins ce que me dit David. Je dois noter ici la méthode que nous suivons quand il s'agit de raconter une histoire. D'abord, je la lui raconte, puis il me la redit. Entendez que l'histoire est maintenant absolument différente. Ensuite, je la lui répète avec les additions qu'il y a apportées, et ainsi de suite, jusqu'à ce que nous soyons incapables de dire auquel des deux l'histoire appartient davantage. Dans cette histoire de Peter Pan, par exemple, le corps du récit et la plupart des réflexions morales sont de moi, pas toutes cependant, car cet enfant ne laisse pas d'être un sévère moraliste. Mais les intéressants passages qui concernent les us et coutumes des bébés à l'âge d'oiseau sont en général des souvenirs de David qu'il a retrouvés en prenant ses tempes à deux mains et en faisant un violent effort de mémoire. Donc, Peter Pan sortit par la fenêtre qui n'avait pas de barreau. Debout sur le rebord, il put apercevoir dans le lointain des arbres qui étaient sans doute ceux des jardins de Kensington. Et à peine les eut-il aperçus qu'il oublia complètement qu'il était un petit garçon en costume de nuit et qu'il s'envola par-dessus les maisons, tout droit vers les jardins. Il est extraordinaire qu'il ait pu voler sans ailes, mais la place des ailes le démangeait terriblement, et peut-être pourrions-nous tous voler si nous avions dans notre pouvoir une confiance égale à l'audace qui poussait Peter Pan ce soir-là. Il descendit joyeusement sur la pelouse entre le palais des bébés et la serpentine, et la première chose qu'il fit fut de s'étendre sur le dos et de lancer des coups de pied. Il ne se souvenait déjà plus d'avoir jamais été un être humain. Il pensait qu'il était un oiseau, même physiquement, comme au premier jour. Ainsi, quand il essayait d'attraper une mouche, il ne comprenait pas que la raison pour laquelle il la manquait, c'est qu'il avait essayé de la prendre avec la main, ce que, naturellement, ne fait jamais un oiseau. Il vit que l'heure de la fermeture devait être passée, car il y avait là beaucoup de fées, mais elles étaient toutes trop affairées pour le remarquer. Elles étaient en train de préparer le déjeuner, trayant leurs vaches, tirant de l'eau, etc. La vue des seaux d'eau lui donna soif, de sorte qu'il se mit à voler vers le bassin pour trouver à boire. Il s'arrêta et plongea son bec dans l'eau, du moins il croyait que c'était son bec, mais naturellement c'était son nez, et cependant il amena très peu d'eau et de l'eau moins fraîche que d'habitude, de sorte qu'il se rabattit sur une flaque où il se secoua. Quand un oiseau véritable se secoue dans une flaque, il déploie ses ailes toutes grandes et les lisse avec son bec. Mais Peter n'arriva pas à se rappeler ce qu'il fallait faire, et il préféra aller dormir d'un air boudeur à l'abri d'un hêtre dans l'allée des bébés. D'abord, il éprouva quelques difficultés à se balancer sur une branche, puis le souvenir lui revint et il s'endormit. Il se réveilla longtemps avant le jour, tout frissonnant, et en se disant qu'il n'avait jamais été dehors par des nuits aussi froides quand il était oiseau. Mais naturellement, comme chacun sait, une nuit qui paraît chaude à un oiseau est une nuit froide pour un petit garçon en chemise de nuit. Peter, en même temps, se sentait très mal à l'aise. Il lui semblait que sa tête était trop pleine. Il entendait de grands bruits qui le faisaient regarder autour de lui avec inquiétude, quoique ils ne fussent en réalité causés que par ses éternuements. Il y avait quelque chose qu'il désirait de toutes ses forces, mais quoiqu'il sût qu'il le désirait, il ne pouvait pas savoir ce que c'était. Ce qu'il désirait si vivement, c'était sa mère pour le moucher. Cela ne cessait pas de le tourmenter, de sorte qu'il résolut d'appeler les fées pour leur demander des éclaircissements. Elles passent en effet pour savoir beaucoup de choses. Il y en avait deux qui se promenaient dans l'allée des bébés en se tenant par la taille. Il sauta donc en bas de son arbre pour aller à elle. Les fées ont souvent des querelles avec les oiseaux, mais d'ordinaire elles répondent poliment à une question polie. Aussi, il fut tout à fait en colère quand elles se mirent à courir en le voyant. Une autre était nonchalamment installée sur une chaise de jardin en train de lire une lettre que quelque humain avait laissée tomber. Et quand elle entendit la voix de Peter, elle se réfugia épouvantée derrière une tulipe. À son grand embarras, il s'aperçut que chaque fée qu'il rencontrait le fuyait. Des ouvriers qui étaient en train de scier un faux champignon prirent la fuite, abandonnant leurs outils. Une laitière tourna son seau à l'envers et se cacha dedans. Bientôt les jardins furent en tumulte. Une foule de fées courait de tous côtés, s'interrogeant avec anxiété. Les lumières étaient éteintes, les portes barricadées. et du fond du palais de la reine Mab arriva le rataplan des tambours, preuve que la garde royale avait été appelée. Un régiment de lanciers vint charger dans la grande allée, armé de branches de houx, avec lesquelles ils égratignent horriblement l'ennemi au passage. Peter entendit le petit peuple des fées crier partout qu'il y avait un être humain dans les jardins après l'heure de la fermeture, mais il ne se douta pas un instant que c'était de lui qu'il s'agissait. Il se sentait la tête de plus en plus lourde, et il avait de plus en plus envie d'apprendre ce qu'il désirait faire à son nez, mais il poursuivait en vain les fées avec cette question essentielle à la bouche. Les timides créatures couraient à son approche, et les lanciers eux-mêmes, quand il arriva près d'eux sur la bosse, tournèrent aussitôt dans une allée latérale en feignant de l'avoir vu dans cette allée. Désespérant de rien tirer des fées, il résolut de consulter les oiseaux, mais il se rappelait maintenant que, par une étrange coïncidence, tous les oiseaux du être s'étaient envolés quand il s'y était posé. Ce fait ne l'avait pas frappé sur le moment, mais il en voyait maintenant le sens. Tous les êtres vivants le fuyaient. Pauvre petit Peter Pan. Il s'assit et se mit à pleurer, et même alors il ne savait pas qu'il était assis d'une façon insolite pour un oiseau. C'est un bonheur qu'il ne l'ait pas su, car autrement il aurait perdu la foi dans sa faculté de voler, et si l'on se met à douter qu'on peut voler, on devient incapable de voler. La raison pour laquelle les oiseaux peuvent voler, tandis que nous ne le pouvons pas, c'est qu'ils ont une foi absolue, car la foi donne des ailes. Sauf en volant, personne ne peut atteindre l'île Serpentine, car il est interdit aux bateaux des hommes d'y aborder. Et il y a tout autour une palissade qui se dresse dans l'eau, avec sur chaque pieu un oiseau en sentinelle, jour et nuit. C'est vers cette île que Peter volait maintenant pour soumettre son étrange cas au vieux Salomon Cow, et il y aborda avec un grand soulagement, tout réconforté de retrouver à la fin son « chez-soi », comme les oiseaux appellent l'île. Tout le monde dormait, y compris les sentinelles, sauf Salomon qui était tout à fait éveillé. Il écouta tranquillement le récit des aventures de Peter et lui en apprit alors la vraie signification. « Regarde ta chemise de nuit si tu ne me crois pas, » dit Salomon. Et Peter regarda fixement sa chemise de nuit, puis les oiseaux endormis. Aucun d'eux ne portait rien de semblable. « Combien as-tu d'orteils qui soient des pouces ?» dit Salomon, non sans quelque cruauté. Et Peter vit avec consternation que tous ses orteils étaient des doigts. Il en éprouva un tel saisissement qu'il ne sentit plus le froid. « Plisse tes ailes, » dit ce vieux bourru de Salomon. Et Peter s'efforça désespérément de plisser ses ailes, mais il n'en avait pas. Alors il se leva en chancelant, et pour la première fois depuis qu'il était monté sur le rebord de la fenêtre, il se souvint d'une dame qu'il aimait beaucoup. « Je crois que je vais retourner vers ma mère, » dit-il timidement. « Adieu, » répondit Salomon Cow en le regardant d'un air bourru. Mais Peter ne se décidait pas. « Pourquoi ne pars-tu pas ?» demanda poliment le vieux Salomon. « J'espère, » dit Peter d'une voix émue, « j'espère que je pourrai encore voler. » Vous le voyez, il avait perdu la foi. « Pauvre petit, moitié d'homme, » dit Salomon qui n'était pas au fond un mauvais cœur, « tu ne pourras jamais plus voler. » Pas même les jours de vent. Il te faut désormais demeurer sur cette île. Et ne plus jamais retourner dans les jardins de Kensington ? Demanda Peter d'un ton tragique. Comment pourrais-tu y arriver ? Dit Salomon. Il promit très aimablement, cependant, d'apprendre à Peter autant de procédés propres aux oiseaux qu'il était possible d'en apprendre à un être aussi disgracié de la nature. « Alors, je ne serai pas tout à fait un homme ?» demanda Peter. « Non. » « Ni tout à fait un oiseau ?»« Non. » « Alors, qu'est-ce que je serai ?»« Tu seras un « entre les deux », dit Salomon. Et certainement c'était un sage, car c'est exactement ce qui arriva. Les oiseaux de l'île ne s'habituèrent jamais à Peter. Ses étrangetés les amusaient comme si elles étaient toujours nouvelles, encore que ce fussent les oiseaux qui se renouvelaient. Il en sortait de l'œuf tous les jours, qui se moquait aussitôt de lui. Puis il s'envolait vers les hommes, et d'autres oiseaux sortaient de nouveaux œufs, et ainsi sans discontinuer. Les mères, quand elles étaient fatiguées de couver leurs œufs, avaient pris l'habitude, ces rusées, de persuader à leurs petits de briser leurs coquilles un jour avant le temps voulu, en leur murmurant qu'ils avaient maintenant la chance de voir Peter se laver, boire et manger. Des milliers d'oiseaux s'assemblaient autour de lui pour le regarder accomplir ses actes, comme nous regardons les paons. Et il poussait des cris de plaisir quand il prenait avec les mains les croûtes qu'il lui lançait au lieu de les prendre de la manière habituelle avec la bouche. Toute sa nourriture lui était apportée des jardins sur l'ordre de Salomon par les oiseaux. Comme il n'aurait pas mangé des vers ni des insectes, ce qu'il jugeait très sot de sa part, il lui apportait du pain dans leur bec. Ainsi, quand vous chassez en criant « glouton, glouton » un oiseau qui s'envole avec une grosse croûte, vous savez maintenant qu'il ne faut pas le chasser, car c'est très probablement pour Peter Pan qu'il l'a prise. Peter ne portait plus de chemise de nuit maintenant. C'est que, voyez-vous, les oiseaux étaient toujours après lui pour lui en demander un morceau afin d'en garnir leur nid, et comme il avait très bon cœur, il ne pouvait pas refuser. Mais sur le conseil de Salomon, il avait fini par cacher ce qui en restait. Cependant, quoiqu'il fût maintenant absolument nu, il ne faut pas croire qu'il avait froid ou qu'il était malheureux. Il était habituellement très heureux et très gai, et cela parce que Salomon avait tenu sa promesse et l'avait initié aux usages des oiseaux. Il savait, par exemple, être facilement content, être toujours occupé à quelque chose et croire que ce qu'il faisait avait une très grande importance. Peter devint très habile pour aider les oiseaux à bâtir leur nid. Bientôt, il sut mieux le bâtir qu'un pigeon ramier et presque aussi bien qu'un merle, encore qu'il ne pût jamais contenter les pinsons. Et il faisait de jolies petites auges près des nids et il déterrait les vers avec ses doigts pour les petits. Il fut bientôt aussi très versé dans la sagesse des oiseaux. Il distinguait à l'odeur un vent d'est d'un vent d'ouest. Il pouvait voir l'herbe pousser et entendre marcher les insectes au fond des troncs d'arbres. Mais le meilleur enseignement que lui donna le vieux Salomon, ce fut d'avoir un cœur content. Tous les oiseaux ont le cœur content, sauf quand on vole leur nid, et comme c'était la seule espèce de cœur que connut Salomon, il lui fut facile d'apprendre à Peter à en avoir un semblable. Le cœur de Peter était si content qu'il éprouvait le besoin de chanter tout le long du jour. De même que les oiseaux chantent pour exprimer leur joie, mais étant en partie un homme, il avait besoin d'un instrument. Il fit donc une flûte de roseau, et il prit l'habitude de s'asseoir sur le rivage de l'île le soir. Là, utilisant le souffle du vent et le murmure de la mer, empruntant à la lune une partie de son éclat, Il mettait le tout dans sa flûte et jouait alors d'une façon si admirable que les oiseaux eux-mêmes s'y trompaient et qu'ils se demandaient entre eux si c'était un poisson qui bondissait dans l'eau ou si c'était Peter qui imitait sur sa flûte un poisson bondissant. Quelquefois ils chantaient la naissance des oiseaux et alors les mères se mettaient à tourner autour de leur nid pour voir si elles n'avaient pas pondu un œuf. Si vous êtes un habitué des jardins, vous devez connaître le châtaignier qui est près du pont et qui est en fleur le premier de tous les châtaigniers. Mais peut-être ne savez-vous pas pourquoi cet arbre est en avance. C'est parce que Peter languit après l'été et qu'il chante son retour. Comme l'arbre est tout près, il l'entend et il s'y trompe. Mais lorsque Peter était assis sur le rivage, jouant divinement sur sa flûte, il tombait parfois dans de tristes pensées, et alors sa musique devenait triste comme lui. Et s'il était triste, c'est qu'il ne pouvait pas atteindre les jardins, bien qu'il pût les apercevoir à travers l'arche du pont. Il savait qu'il ne pourrait jamais plus être vraiment un homme, et il désirait à peine en être un, mais oh, combien il désirait jouer comme jouent les autres enfants. Or, naturellement, il n'y a pas d'endroit plus agréable pour jouer que les jardins. Les oiseaux le tenaient au courant de la façon de jouer des garçons et des filles, et des larmes brillaient dans les yeux pensifs de Peter. Peut-être vous étonnez-vous qu'il ne se soit pas enfui à la nage, mais c'est qu'il ne savait pas nager. Il voulait apprendre à nager, mais personne dans l'île ne pouvait lui apprendre, sauf les canards, et ils sont trop stupides. Ils étaient pleins de bonne volonté pour lui apprendre, mais tout ce qu'ils savaient dire, c'était « Vous n'avez qu'à vous asseoir à la surface de l'eau de cette façon, et puis vous faites aller vos jambes comme ceci. » Peter essaya souvent, mais toujours il coulait avant d'avoir pu remuer les jambes. Ce qu'il avait vraiment besoin de savoir, c'était comment on peut s'asseoir sur l'eau sans enfoncer. Et les canards prétendaient qu'il est tout à fait impossible d'expliquer une chose aussi simple. Parfois, des cygnes abordaient l'île, et il allait jusqu'à leur donner toute sa nourriture d'un jour pour pouvoir leur demander comment ils s'assoient sur l'eau. Mais dès qu'il n'avait plus rien à leur donner, ces maudites bêtes se moquaient de lui et s'éloignaient à la nage. Une fois, il pensa avoir vraiment découvert un moyen d'atteindre les jardins. Une extraordinaire chose blanche, semblable à un journal envolé, flottait en l'air au-dessus de l'île, puis s'abaissait, roulant dans tous les sens comme un oiseau qui aurait cassé ses ailes. Peter fut si effrayé qu'il alla se cacher, mais les oiseaux lui dirent que ce n'était qu'un cerf-volant, et ce que c'est qu'un cerf-volant. Ils ajoutèrent qu'il devait s'être échappé de la main d'un enfant et s'être envolé. Après quoi, ils se moquèrent de Peter à cause de son grand amour pour le cerf-volant. Il l'aimait tant qu'il s'endormit en le tenant d'une main. Et j'estime que c'était un spectacle pathétique et admirable, parce que s'il l'aimait tant, c'est qu'il avait appartenu à un vrai petit garçon. Pour les oiseaux, c'était là une très pauvre raison. Mais les plus vieux lui témoignèrent à cette occasion leur reconnaissance de ce qu'il avait nourri leurs petits pendant une épidémie de rougeole. Et ils lui offrirent de lui faire voir comment les oiseaux font voler un cerf-volant. Six d'entre eux prirent le bout de la corde dans leur bec et s'envolèrent ainsi. Et au grand étonnement de Peter, le cerf-volant vola derrière eux et s'éleva plus haut qu'eux. Peter s'écria « Recommencez !» et avec une parfaite bonne grâce, ils recommencèrent plusieurs fois, et toujours Peter, au lieu de les remercier, criait « Recommencez !» ce qui montre qu'alors même, il n'avait pas tout à fait oublié qu'il devait être un petit garçon. À la fin, le cœur enflammé d'un grand dessein, il leur demande de recommencer une fois encore en le suspendant lui-même à la queue. Alors 100 d'entre eux s'envolèrent avec la corde, et Peter était suspendu à la queue du cerf-volant, projetant de se laisser tomber lorsqu'il serait au-dessus des jardins. Mais le cerf-volant se brisa dans l'air, et Peter se serait noyé dans la serpentine s'il n'avait reçu l'aide de 2 cygnes indignés et ne s'était fait porter par eux jusqu'à l'île. Après cela, les oiseaux lui déclarèrent qu'ils ne l'aideraient plus dans sa folle entreprise. Néanmoins, Peter finit par atteindre les jardins grâce au bateau de Shelley, comme je vais maintenant vous le raconter.